Genève, New York, 3 tonnes de CO2 par passager. Couleur 3 Live, jusqu'à 22h. Après un paléo, on peut le dire, oui, festif et pas trop humide, nous reprenons nos lives chaque jour des 21h dans l'émission phare. Avec, ce soir, en exclusivité, les Filthy Dukes, un trio de synth-pop. Alors là, je parle pas forcément d'un style musical mêlant musique populaire et ecclésiastique, mais bien de ce courant électro qui souffle dans les ruelles de Londres depuis que des formations comme Fatboy Slim ou les Chemical Brothers s'y sont accrochées. Ce soir donc les Filthy Dukes, qui ont commencé comme techniciens de studio, hein, comme d'ailleurs beaucoup de DJ dans leur milieu, qui mixent de temps en temps sans réelle grande ambition. Alors il a suffi pour cette équipe que Tim Lawton, le troisième de l'équipe, arrive pour que les choses concrètes commencent. Les Filthy Dukes, eux, eh bien se rangent, ils le disent eux-mêmes, dans la catégorie Electro Acid House New Wave Twisted Disco Punk Funk. Donc voilà, autant dire que l'éventail est plutôt ouvert. Ils remixent autant du White Lies que du Block Party. Et leur premier album, sorti au mois de mars, s'appelle Nonsense in the Dark. Tout de suite, un concert enregistré l'an dernier au Transmusical de Rennes. Hélène à la réalisation, Vincent est avec vous jusqu'à 22h sur Couleur 3. We'll be right back. Thank you, come on. It's a big party. L'émission phare, 19h, 22h, sur la Croix. Couleur 3. Couleur 3. Thank you. 19h, 22h, l'émission phare sur la 3. One, two, three, four. Sur couleur 3, les Filthy Dukes, ou Vil Duke en français, qui jouaient au Transmusical de Rennes l'an passé. Il faut le savoir, un gros festival qui a lieu tous les débuts décembre du côté de Rennes. Un cadre agréable pour ce trio de DJ plutôt habitués aux soirées interminables dans les entrepôts désaffectés au bord de la Tamise. À noter qu'ils seront de retour à Londres le 5 août prochain pour une soirée au club The Fabric, au lieu de l'électro londonienne, dont ils sont d'ailleurs disque jockey résident. got bashed about on the plane on the way over, but we can sort it out. Les Phils Idiots sur Couleur 3 et il y a une année à Rennes du côté des Transmusicales, festival international de musique alternative. Notez que dans ce registre plutôt, ouais, on va dire plutôt électro, hein, nos amis romans de Solange Lafranche s'y produiront le 5 décembre prochain. On vous encourage d'ailleurs à faire le déplacement, d'autant plus que, en se basant sur ce live qu'on écoute maintenant, eh ben, on peut conclure qu'il y règne plutôt une bonne ambiance. We'll be right back. Last one now, thanks for being so so good at having fun. Thank you very much. Thank you. This is called Absolute Body Control. L'émission phare, 19h-22h sur Couleur 3. Come on, Chance Music Man! just like me. Poison the ivy, it can be just like me. Couleur 3, l'émission phare jusqu'à 22h. Vous écoutez Couleur 3 et vous avez fait le bon choix. Ici s'arrête le live des Filthy Dukes, enregistré en décembre dernier au Transmusical de Rennes. La suite du programme ne sera pas très dépaysante puisqu'on reste dans le monde de l'électro. C'était Vince et Hélène qui réalisaient cette émission. Tout de suite, Electro Libre sur Couleur 3. Que votre soirée soit belle et pas trop éprouvante. We'll be right back. Sécher ses larmes, c'est utile. Et dites-vous bien que l'été, ce n'est pas fini. Ah ouais? Couleur 3 et le Matin Bleu présentent le Festival de la Bâtie, du 28 août au 12 septembre à Genève. La cité de Calvin sera en fête, avec le retour très attendu de Lamb. Également Naïve New Beaters, Sinner DC, Franz Treschler qui joue Dada. Ah Dada? Qu'est-ce que c'est que c'est quoi c'est ça? À voir aussi à la Bâtie, Peter Von... Mais non, Von Peul, Peter, qui joue et improvise sur des films muets. Ah bah ça c'est bien, ça c'est bon. Sébastien Schuller en piano solo et Dylan Brita pour le projet musical autour des mini-films de Warhol. Couleur 3. Eh oui, c'est bon comme la Bâtie. À Genève, du 28 août au 12 septembre. Plus d'infos sur le Festival de la Bâtie, dans la Pravda de Couleur 3, ou sur le site de Couleur 3, ou sur bâtie.ch. Feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. As long as I'm gonna be around you when the sun goes down, yeah. Oh, my heart taking me back to blue, falling into my arms. 22h. New York, 16h. RSL.